Audiomatique. Are You Really There est la première pièce de l'album Heartbreak, le troisième du projet américain Conrad, et elle devient par le fait même la pièce d'ouverture de cette transmission 147 d'Audiomatique. Vous êtes en compagnie des électronistes jusqu'à 18h, et puisque le temps file et que nous voulons vous offrir d'ici là le plus de minutes de musique électronique possible, eh bien écoutons à l'instant Midbeat Manifesto. We'll be right back. existence, purpose, and of course, wisdom itself. In work, top up your qualifications. Out of work, give yourself the edge. Including opera, professional and other qualifications in accountancy, management, humanities, and technology. In accountancy, management, qualifications, and technology. If you felt the edge, possible payment options are available. Why not phone us to find out more? When flexible payment options are available, why not phone us to find out more? Philosophy. C'est sur la musique de la formation Orbital que se concluait cette séquence musicale de deux pièces. De l'album Snivelization, paru en 1994, nous écoutions la composition Philosophy by Numbers. Et avant Orbital, c'était Midbeat Manifesto et le Toxic Mix de la pièce Asbestos Leads Asbestos. Cette version paraît sur l'album Original Fire, alors que la version originale de la pièce se trouve sur l'album Subliminal Sandwich. Le jeudi 3 août, soit demain, se produiront sur la scène de l'Antibar et Spectacle à Québec dès 20h les groupes Rational Youth, Automélodie et Sarajevo et moi. Pour vous donner un aperçu et surtout pour vous convaincre de vous déplacer pour assister au spectacle, nous vous avons préparé ceci. We'll be right back. it go, don't let go. We'll be right back. s'envole sous la pluie et secoué sous le maquillage sur l'asphalte du taxi. J'observe le dernier de l'artifice fumoyé. Le boulevard sous la pluie balaye ses fours sous son lit sur l'asphalte. Une exotique cherche une blanche neige à pâleur dans un dénublé. Sa relation cherche à meubler conversation. Plus tard, assis sur la moquette, Marcel Blanchet, j'écoute une grande fille extrême. Elle voudrait bien lui expliquer qu'elle se fout bien des préjugés. Enfin, son corps est un canevas, elle doit souiller cette démarche comme une autre. Mais j'ai oublié. Le boulevard dans le rétro, les cycles, les maquillages sur l'asphalte. Miroir et crin des filles fureuses de Cléopâtre en signe d'adieu. Audiomatique pour vous donner un aperçu du spectacle qui aura lieu demain soir à l'Antibar et Spectacle à Québec. Nous vous présentions une pièce de chacun des groupes qui se produiront sur scène. Nous avons donc terminé ce segment avec le groupe montréalais Automélodie et la chanson Métropole sous la pluie version, tirée de leur plus récent album intitulé « Surlendemain acide » lancé en 2013. Automélodie était précédée de Rational Youth, groupe phare du mouvement New Wave montréalais au début des années 80, qui nous présentait leur composition « Saturdays in Silesia » Extended Version. La version originale de Saturdays in Silesia est parue sur le premier album de Rational Youth, soit Cold War Nightlife, sorti en 1982. Et en début de bloc, il s'agissait du groupe de Québec Sarajevo et moi, mené par le claviériste Sébastien Rouleau, par Michel Mercier, qui fait aussi partie du légendaire groupe Handful of Snowdrops, et par la chanteuse Julie Tremblay, ex-membre du groupe Hypnos et membre du groupe Dr. Jekyll et Sister Hyde. Il nous interprétait la chanson Venus Flytrap, qui est tirée du premier album de Sarajevo et moi, intitulé Dark Sky, et qui paraîtra en septembre prochain. Le spectacle de Rational Youth avec Otto Mélodie et Sarajevo et moi en première partie aura lieu demain soir, le 3 août, à compter de 20h à l'Antibar et spectacle de Québec. Audiomatique se poursuit avec la pièce Icarus du projet ALQS-BS. Nous venons tout juste d'entendre la version remixée que nous offrait le projet El Remolón de la pièce Vos Solo, Ellos Ni Enterados, originalement composée par l'artiste Jin Nieri pour son album Forenao Calido Pasmoso. Et avant cela, c'était le projet ALQSBS de l'artiste péruvien Anthony Pocar Maita. La pièce que nous avons entendue, soit Icarus, se trouve sur son album Ceres de la Selva, paru en 2015. Afin de conclure convenablement cette transmission 147 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous présenter le groupe allemand Atari Teenage Riot, qui a existé de 1992 à 2000 et qui s'est reformé en 2010. La musique d'Atari Teenage Riot s'inspire de l'énergie du mouvement punk de la fin des années 70 en nous offrant un son brut qui allie l'électrique et l'électronique dans un souffle plus que contestataire. De leur mini-album Revolution Action, paru en 1999, nous vous offrons à entendre la pièce No Success Digital Hardcore Remix. Les électronistes vous convient à la transmission 148 d'Audiomatic en direct mercredi prochain dès 17h. Entre-temps, vous pouvez meubler votre environnement sonore en écoutant les transmissions précédentes disponibles sur mixcloud.com/audiomatic ou grâce aux liens que nous postons hebdomadairement sur notre profil facebook.com/audiomatic. Nous vous rappelons le spectacle de Rational Youth, Sarajevo et moi et Automélodie demain soir à 20h à l'Antibar et spectacle à Québec. Pour terminer l'émission, voici comme convenu Atari Teenage Riot et le Digital Hardcore Remix de la chanson No Success. C'était Audiomatic avec les électronistes.